pour terminer cette journée consacrée au week-end de la vie associative. C'est la deuxième et dernière journée, ce samedi 6 et dimanche 7 septembre. C'était la quatrième édition. C'est la quatrième édition qui là, touche à sa fin très prochainement, très bientôt, puisque fermeture des portes à 18h, fermeture publique. Le week-end de la vie associative, c'est de nombreuses associations qui sont présentes via des stands pour présenter leur activité, leur actualité, tenter parfois de faire rejoindre le public à leur cause, à leur club, à leur loisir, des initiations, des démonstrations. Bref, il y a bon nombre de propositions faites sur l'ensemble du week-end, plus de 260 associations présente à nouveau pour cette quatrième édition 2025, quatrième édition que Radio Dio suit et couvre d'ailleurs par une journée directe à la rencontre de diverses associations d'ailleurs sous diverses thématiques, trois pôles présents ici sur ce WEVA, et on va ici aborder la question alors oui, du patrimoine, je dirais, du patrimoine et de la mémoire, avec une initiative menée au sein de la Maison de quartier du Soleil, avec Georges Goubier qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici sur le 895 de Dio et au micro de Dio que vous connaissez parce que vous avez déjà été invité sur notre antenne par une association qui réalise une émission mensuelle sur notre antenne. Il s'agit du groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois et qui vous avait d'ailleurs présenté comme tel. Je vais reprendre la petite présentation du Grémos, Georges Goubier, né en 1936, militant de la JOC et de la CFTC, qui a travaillé à la Société Stéphanoise de Construction Mécanique, la SSCM, au Marais, pas très loin d'ici. En septembre 1956, commençait un service militaire de 27 mois, dont l'essentiel se passait en Algérie, près d'Oujda, à la frontière marocaine. Ouais. Et après son retour, il fut embauché en 1959 à la Société Générale d'Entreprise, une grande entreprise du bâtiment où il travailla jusqu'en 1971. Vous avez toujours filmé votre vie professionnelle ou vos vacances militantes, pilier de la Maison de quartier du Soleil, donc juste en face, ici, on est bien sûr en plein secteur, en plein territoire et en plein quartier du Soleil. Vous avez suscité la réalisation du film « Sommes-nous revenus d'Algérie ?» de Dominique Paray en 2011, dont on avait aussi assuré le relais sur notre antenne, qui avait été présenté et fait l'objet de rencontres au cinéma Méliès, d'ailleurs, à l'époque. Vous avez également retrouvé des archives inédites de la SSCM, proposer une séance sur cette séance, un florilège de 87 ans d'archives audiovisuelles. Vous avez votre petite notice dans le dictionnaire biographique Mouvement Social, Mouvement Ouvrier, le Métron, qui est quand même la référence en la matière. Vous avez une petite notice rédigée par Jean-Paul Martin. Vous êtes auteur d'ouvrages. Alors il y a le dernier, me semble-t-il, Souvenirs d'Algérie, qui est paru en 2023, mais également C'est la guerre, mon grand, histoire d'enfant en 39-45 dans la Loire, qui était paru en 2009, et vous avez écrit bon nombre d'autres articles, je dirais. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ça, c'est une petite notice de présentation. Oui. J'ai peut-être fait un peu le boulot à votre place, mais est-ce que ça a déjà, est-ce que c'est correct, est-ce que juste, ça vous convient? Oui, c'est absolument correct. Oui. C'est absolument correct. Bon, ça, c'est un petit portrait. Mais en fait, on ne va pas rester dans le portrait personnel. Vous êtes là aussi pour parler autre chose que de l'industrie, que de l'Algérie. Mais un autre sujet aujourd'hui, c'est pour parler du chemin de fer. C'est ça. Berceau de la SNCF, c'est un peu l'intitulé de notre rencontre et tel qu'il était présenté dans le programme de notre portrait radio ici du WEVA. Parce que vous faites partie du groupe Mémoire, de la Maison de quartier du Soleil. C'est ça. Et d'une association, finalement. Oui. Donc association dans l'association. C'est ça. Qui s'appelle l'Éclisse. L'Éclisse, oui. Alors présentez-nous l'Éclisse. De quoi il s'agit? Parce que j'imagine que vous en êtes un petit peu le moteur. Hein. Alors, je vais déjà vous parler du nom. Pourquoi on l'appelait l'Éclisse? Oui. Parce que l'Éclisse, c'est une pièce métallique qui rejoint deux rails. Qui assemble deux rails ensemble. D'accord. Ça s'appelle une éclisse. Et on a décidé de l'appeler comme ça. C'est pas une éclisse de soleil, le quartier? Non, enfin... Non. Et voilà, donc c'est une association qui s'est créée autour de cinq ou six associations. Puis ensuite, ça a pris un petit peu d'étoffe. Il y a les amis du Vieux Boutéon qui nous ont rejoints. et qui, eux, ont travaillé déjà depuis longtemps sur cette voie du chemin de fer dont on alors, va parler. Ouais, cette voie de chemin de fer, on va en parler, le berceau de de la SNCF, c'est un peu effectivement le berceau dans la région, c'est la première ligne, il faut le préciser. C'est pour ça que j'allais vous expliquer ça. Ah, pardon. C'est la première ligne, bien sûr. Oui. Elle est née. Alors, c'est l'ingénieur Bonnier qui, sur demande du roi Louis XVIII à l'époque, a créé un premier chemin de fer. Pourquoi ça a été créé ? C'était un chemin de fer qui était fait pour transporter le charbon qui allait de Saint-Étienne, où là il y avait des centaines de puits de mine. Et le charbon, dans les années avant, on va dire dans les années 1800, était transporté par des tombeaux, par un peu n'importe quoi, jusqu'au bord de la Loire. Il fallait des semaines et des semaines pour acheminer le charbon. Le charbon. Et donc. Et par voie fluviale également, là-bas, alors, sur la plaine aussi. Alors, les Rambertes. Bien sûr, ça partait ensuite par voie fluviale. Donc, ils avaient fait les Rambertes, qui étaient des bateaux à fond plat et qui étaient remplis de charbon. Et parfois, les Rambertes coulaient dans la Loire, parce que la Loire est difficilement navigable. Ils étaient obligés d'attendre. Autour de 6 mois pour transporter, faire chemin, parce qu'il finalement. y avait des périodes où c'était pas possible de transporter le charbon. J'explique pourquoi le roi Louis XVIII avait dit ça, parce que à une époque dans les années 1820, la France était alimentée en partie par la Sarre, puis ensuite avec la guerre et tout ça. Le charbon de la Sarre n'arrivait plus. Et c'était Saint-Étienne qui était pratiquement la seule ville qui pouvait alimenter toute la France en charbon. Et la seule énergie qui existait à l'époque, c'était le charbon. Donc c'était très important d'avoir une alimentation en charbon beaucoup plus importante que ce qui existait à ce moment-là. Donc c'est pour ça que Bonnier a été dans l'obligation de faire quelque chose. Donc il a créé une première voie qu'il a inventée. Il fallait qu'il fasse cette voie avec libérer le milieu de la voie pour que les chevaux passent, parce que c'était une voie où c'était des wagonnets qui étaient tirés par les chevaux. Ça a duré pendant 3 ans, ça. C'était des chevaux qui descendaient jusqu'au bord de la machine à vapeur. La Loire. Et enfin, ensuite, charbon, ensuite, il y a eu la machine à vapeur. Inventé par Seguin, mais donc dans toute cette période, pendant 3 bonnes années, c'était les chevaux qui tiraient le charbon. Alors attendez, cette première ligne entre Saint-Étienne et Andrézieux, donc elle date de 1827. Cette ligne-là, elle partait de Saint-Étienne, c'était donc des chevaux qui tractaient des wagons Saint-Étienne à Andrézieux. C'est ça, okay. Exactement. Et ça partait du pont de l'Anne. Le pont de l'Anne, je ne sais pas si les gens... Ah, c'est bien au-dessus de Château-Creux, c'est vers Stille. Stille, voilà, tout à fait. Pour les gens de Saint-Étienne, pour les autres qui vous écoutent, je ne sais pas s'ils connaissent Stille. Mais en tout cas, les gens de Saint-Étienne connaissent Stille maintenant. Quand ils vont à Stille, par exemple, ils passent sur le pont de l'Anne, mais personne ne sait que la première voie est partie d'ici, parce qu'il n'y a aucune inscription, il n'y a rien. Pas un seul mot, ils ont jamais mis une plaque. Alors, je ne sais pas si je vous dis ça dans le désordre, mais on a rencontré la mairie pour lui dire que c'est scandaleux. C'est quand même un événement international, parce que c'est le premier chemin de fer en France et en Europe. Il n'y a que les Anglais qui ont fait ça avant nous. Mais dans toute l'Europe continentale, il n'y a qu'ici que ça s'est fait. On a été les premiers. C'est quand même un peu dommage et même scandaleux, je trouve, que Saint-Étienne, la métropole et même la région n'aient pas mis les moyens pour alors mieux ça va peut-être être le cas, Georges Goubier, puisqu'on va fêter le 200e anniversaire donc en 2027. Voilà. C'est la raison pour laquelle aussi vous travaillez énormément sur ce pont. On va peut-être en reparler. Mais alors, juste simple question, départ du pont de l'Anne. Ce qui est assez étonnant, parce que alors là, on a quand même les crassiers à côté que l'on voit le long de l'autoroute. Hein. Mais en fait, le bassin minier était important, mais très, je dirais, vaste. Oui. C'est étonnant qu'il partait d'aussi loin, de, à la fois, et de, alors, ce qui n'était pas Château-Creux à l'époque, parce que ça n'existait pas, mais en tout cas, qu'il partait loin, par exemple, de Courriot ou du bassin entre Londaine, qui pouvait aussi peut-être acheminer. Pourquoi ce point-là du pont de l'Âne? Probablement, alors j'ai pas de réponse précise à ça, mais probablement parce qu'on décompte à l'époque des centaines de puits de mines qui existaient tout autour là. Par exemple, là où il y a Château-Creux aujourd'hui, oui. Il y avait un puits de mine qui était là, mais il y en avait tout autour de ces endroits-là. Oui. Alors, les deux crassiers qu'on voit d'ailleurs le long de l'autoroute, là, c'était quel puits ici qui était... Côté Terre Noire, je ne pourrais pas vous dire, mais il y avait... Parce qu'après, plus loin, on partait sur le bassin de puits, la Chazotte, Sorbier-la-Talaudière, là-bas. Oui. Ok. Donc l'idée était d'acheminer entre Saint-Étienne-d'Andrézieux, le charbon... C'était et ça. Et pour aller quoi? Aller encore après à l'export dans... Alors après, donc le charbon était déposé dans ce qu'on a appelé les magasins. Alors il y avait des magasins, C'était un terrain qui était séparé par des petits murs, par des murets, et chacun de ces magasins appartenait à un propriétaire privé. C'était pas l'État hein, qui possédait tout ça. C'était des propriétaires privés. Et donc chacun mettait ça sur ses rambertes et ça partait. La Rouen, la Orléans, suivant le fleuve Loire, ça aussi. Remontait surtout jusqu'à Paris. Ouais. Et oui. Jusqu'à Paris, où là, évidemment, il y avait une consommation de charbon qui était extraordinaire, quoi. Alors, est-ce que l'Église s'est constituée, donc il y a maintenant 2 ans à peu près, oui, 2 ans, dans le but de cette commémoration de ce bicentenaire, voilà. Quoi, finalement. Voilà. On est maintenant 9 structures. D'accord. Pas association, parce qu'il y a l'école des mines qui vient d'adhérer. Donc, ce n'est pas une association, c'est une école. Et l'école des mines, je le dis au passage, a été créée par Bonnier. Il a été le premier directeur. C'est lui qui l'a créée. Elle vient de... Le directeur de l'école des mines vient de nous donner son adhésion, là, il y a 3 ou 4 mois. Donc, c'est intéressant pour nous, parce que ça nous permet d'avoir une couverture... plus grande, d'avoir un discours plus important. Voilà, donc on prépare effectivement le 200e anniversaire. Alors, jusqu'à maintenant, on a rencontré plusieurs structures. On a rencontré la municipalité de Saint-Étienne, bien sûr. On a rencontré la métropole et le conseil général. Sur Andrézieux, ils rencontrent les amis d'Andrézieux rencontrent régulièrement leur municipalité et ils ont fait un travail qui est assez remarquable. Je le dis au passage, ils ont créé ce qu'on a appelé l'aventure du train. C'est une structure où il y a une vidéo qui est diffusée sur 3 murs et ça intéresse beaucoup les gens parce que ça explique tout le début de ce que je viens de vous expliquer. Alors, donc on prépare le 200e anniversaire qui aura lieu alors, au mois d'octobre 2027. Pourquoi octobre 2027? Parce que donc on a obtenu de la municipalité qu'elle nous laisse la structure de la fête du livre. Donc le grand chapiteau de la fête du livre, qui est sur la place de l'Hôtel de Ville, oui. Ne sera pas démonté. Et ils le mettront à notre disposition pendant 1 semaine. Voilà. Ce qui fait que là, on va pouvoir présenter... D'accord, mais quel va être un petit peu le but et de quelle manière va se dérouler cette célébration, alors? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Alors, beaucoup de choses. On veut proposer une fête. D'abord, une fête. Donc, avec des chanteurs, avec différentes choses, avec les trams. Les trams seront peints, seront décorés. Ah oui. Ouais, ça, on a l'accord de la municipalité. On devrait avoir des plaques indicatrices comme il y a la cité du design à l'entrée des autoroutes. À l'entrée des autoroutes, il est indiqué Saint-Étienne, ville du design. Mm-hmm. Nous, on a demandé à ville ce que ça rail. Soit aussi ville du premier rail, du premier chemin de fer. D'accord. Voilà. Un peu de communication alors. Voilà. Alors pour le moment, des maquettes, j'imagine. Des maquettes. Alors des maquettes, oui. Alors des maquettes. Alors j'imagine, pour le moment, le problème, bien. C'est qu'on n'a on a pas trop de fonds. Financièrement, pour le moment, on est à court. Mais j'espère bien que dans les deux années qui viennent, on aura réalisé un certain nombre de choses. On va faire des maquettes, oui. Alors, il y a les petites maquettes de chemin de fer aussi que vous avez vues peut-être aujourd'hui dans l'espace. Ah non, ici. Je ne suis pas passé dans l'allée, effectivement. Avec les petits trains qui circulent, oui. C'est un travail remarquable qu'ils ont fait. Là, il y a deux associations. Oui, il y a de la ressource localement sur ces... Oui, il y a de la ressource. Oui, ils avaient proposé des maquettes importantes, imposantes. Il y a le musée, il y a aussi du côté d'Andrézieux, enfin de Boutéon, les amis de Amis du vieux Boutéon. Qui quand même aussi, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines, viennent de faire une découverte remarquable. Oui. Il faut le dire, parce que c'est complètement en lien avec le rail. Ah oui, ils ont quand même trouvé des... À Saint-Just, oui. Combien ils en avaient déjà trouvé un, oui. Ils ont trouvé quoi? 5 rails de l'époque, quoi. Des rails de l'époque, oui. Comme ça, au bord du Furan. Oui, oui. Exactement. Bah, apparemment, ça va être une découverte remarquable. Enfin, c'est pas une découverte parce qu'on en avait déjà trouvé. Ils en avaient déjà trouvé. D'accord. Et donc, on savait quelle forme ils avaient. Et puis, Bonnier nous avait laissé aux archives de la Loire. Bonnier avait laissé tous ses plans. Il avait 7 plans qu'il avait réalisés, qui étaient très détaillés. On savait exactement comment étaient les rails. Hein. Ah oui. Même si on ne les avait pas trouvés, on savait comment étaient les rails. Est-ce que c'est le nom du projet Carte? J'ai vu Carte 2027. Est-ce que c'est dans cette idée? Je ne sais pas. Non, mais j'avais noté qu'il y avait un projet mené qui s'appelait Carte 2027 et qui, à mon avis, était dans l'idée de... reproposer une carte du rail, en fait, un petit peu de historique. Alors, les gens de Boutéon ont fait plusieurs choses. Hein. C'est peut-être films, du côté de Boutéon que c'est donc. C'est vraiment très remarquable, hein, c'est bien. D'accord. Et puis, que vous dire? Donc, ça sera une fête, tout à la fois une fête, et ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait quelque chose qui reste. Il faut que ce soit... Il faut que ça vive. Bien après plusieurs générations. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des monuments qui soient à l'entrée du pont de l'Âne, au pont de l'Âne. Qui viennent signaler avec une plaque. Le berceau du rail. On voudrait aussi à Geoffroy Guichard, parce que la première voie, elle passait juste à côté du stade Geoffroy Guichard. Et là, il y a quand même toujours plus de 30 000 personnes qui sont là autour de Geoffroy Guichard. Du stade, oui. Y compris parfois quand il y a des matchs internationaux. C'est intéressant qu'il y ait des gens qui viennent de l'autre bout du monde. Ouais. Parce qu'on imagine, on parle de carte, donc on va prendre l'itinéraire. J'imagine que du pont de l'Âne, elle partait un petit peu le long de la 47 aujourd'hui, non? Un petit peu, et se rendre sur un la plaine, peu, oui, passant vers Geoffroy Guichard. On peut dire ça. Donc il y a quand même ce qu'on appelle la voie verte aujourd'hui. Oui. C'est tout à fait la partie où les rails passaient. Là. D'accord. La voie passait ici. Donc elle aboutissait, elle arrivait à Geoffroy Guichard, et de Geoffroy Guichard, elle repartait un petit peu le long de la Grand Rue, de la... Rue Bergson. Rue Bergson, ouais. Elle traversait la rue Bergson et elle partait sur Villars. Et à Villars, il y a encore le pont dont vous avez dû entendre parler. Il y a encore un pont qui subsiste de cette époque-là. Non, qui va être connaissance. Qui va être aménagé. D'accord. Parce qu'il commence d'être un peu branlant. Donc les municipalités sont d'accord pour remettre de l'argent. Pour un peu le requalifier, le réhabiliter. Pour le réhabiliter, oui, bien d'accord. Sûr. Et puis après... Alors, ce qu'on veut faire aussi pour la cérémonie, c'est inviter les 6 communes qui étaient traversées par cette voie pour que chacune d'entre elles ait la possibilité de dire... De valoriser la portion comment elle aménage, ce qu'elle veut faire, voilà, ouais. C'est ça. Et au-delà d'ailleurs de Villars, il n'y a pas d'autres portions, ou de Saint-Étienne, il n'y a pas d'autres portions voie verte, parce qu'on l'a beaucoup vu... La France était un pays de rail, le département et la région aussi, beaucoup. Absolument, oui. Je veux dire, on a des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées qui ne sont plus utilisées parce qu'on en perd aussi aujourd'hui l'usage et c'est plus une mobilité, on va dire, évidente. Et donc, il y a beaucoup de ces anciennes voies ferrées, effectivement, qui sont aujourd'hui réaménagées en voies vertes. On en voit beaucoup aussi dans la plaine du Forêt. Il y a d'autres portions de cette ancienne voie aujourd'hui qui est existante et qui ont pu être réaménagées ? À l'exception de ce qui est entre disons, le début du quartier du Soleil jusqu'à Geoffroy-Guichard. Donc là, c'est une voie qui est donc... Qui emprunte ce même itinéraire. Qui emprunte. Voilà. Il y a des coureurs à pied, des marcheurs, des vélos qui passent. En dehors de cette partie, après, il n'y a pas d'autres portions. Il n'y a plus d'espace, sauf quand on arrive à Andrézieux, où là où les rambertes étaient rangées, parce qu'il y avait, je ne sais combien, moi, 80 rambertes, peut-être, qui attendaient de recevoir le charbon. La Loire était beaucoup plus haute, maintenant elle a descendu. Maintenant, vous avez un chemin qui suit tout du long et qui permet aux randonneurs de passer. Ça, vous parlez du lieu dit Les Barques, à Saint-Just-à-Rambert, là ? Ah non, non, non. Qui porte ce nom-là pour les... Non, c'est vraiment du côté d'Andrézieux. Du côté d'Andrézieux, ouais, d'accord. Du côté d'Andrézieux. Parce que du côté de Saint-Rambert, on voyait bien encore ce lieu dit Les Barques qui porte bien son nom et qui avait, d'ailleurs, il y avait une ramberte. Oui, c'est ça. Encore exposé publiquement le long du fleuve. Oui, oui. Et okay. au château de Boutillon, vous avez aussi une ramberte. D'accord. Et vous avez des explications sur comment ça se chargeait, tout ça. C'est très bien fait. Très bien. Voilà. Alors, on aura l'occasion de découvrir tout ça en octobre 2027. Alors, voilà, vous travaillez déjà depuis trois ans là-dessus. Et encore 2 ans de travail pour célébrer donc ces 200 ans de cette toute première ligne de chemin de fer française et continentale. Voilà. Inaugurée en 1827 entre Saint-Étienne et Andrézieux. Exactement. Donc un beau travail mémoriel. Merci. Et de notre patrimoine. On espère qu'on va aboutir. Patrimoine national. Que toutes les communes, toutes les structures politiques s'engagent aussi dans cette voie-là, parce que ça concerne tout le monde, c'est la propriété de tout le monde. Et il faut que les Stéphanois, notamment, soient au courant. Là, ces 2 jours sur notre stand, on a interrogé beaucoup de gens. Il y en a 90% qui ignoraient complètement que la première voie de chemin de fer a existé. Voilà. Merci pour ce rappel, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Sur nos ondes, et puis on aura l'occasion de le faire. N'hésitez pas, on le fera d'ici 2027, octobre. Une fois que le programme sera aussi un peu plus concrètement bien sûr établi, oui, bien sûr. On va dire que là le travail est encore en cours et on vous souhaite bonne continuation sur ce travail. C'est moi qui vous remercie. Et tout ce processus de commémoration. Merci encore Georges Goubier, c'est un plaisir de vous avoir reçu et de terminer d'ailleurs aussi un petit peu sur ce point finalement, parce que là on va prendre la voie justement de la sortie aussi de cette journée. Merci Georges, vous pouvez poser le matériel. Bonne fin de journée à vous, bonne continuation. Merci aux organisateurs, à l'ensemble des associations présentes. Et puis merci à Samuel également, bien sûr, pour la technique tout au long de cette journée. On va se retrouver très prochainement sur les ondes. Allez, on vous laisse. Très bonne fin de journée à vous. Merci encore peut-être de votre écoute et de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, bye.